Selon les informations de Séoul, divers milieux sud-coréens ont manifesté à la suite de l'adoption le 9 courant au Parlement du projet de destitution de Park Geun-hye, la volonté de continuer toujours la lutte pour la chasser de la Maison Bleue. L'Action nationale extraordinaire pour le retrait du pouvoir de Park Geun-hye a déclaré que l'adoption de la révocation de Park Geun-hye n'est qu'un nouveau commencement et souligné que cela ne signifie pas la fin du meeting à la bougie. La direction du mouvement de Taizone pour le retrait de Park Geun-hye a tenu un rassemblement à la bougie, tandis que l'action de Jeju pour le retrait du pouvoir de Park Geun-hye et la direction à Jeju de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques ont déclaré de lutter jusqu'à ce que le peuple finisse par condamner Park Geun-hye. La direction à Ulsan de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques et le syndicat de transport public ont également précisé d'œuvrer plus dynamiquement avec les citoyens pour la destitution de Park Geun-hye. L'ex-délégué du Parti démocrate Toburo et le secrétaire général de la solidarité des citadins pour une société démocratique ont affirmé que Park Geun-hye doit être destitué comme le veut le peuple et que le camp pro-Park Geun-hye aussi doit être condamné. Par ailleurs, selon la radio CBS, à propos de l'adoption au Parlement du projet de révocation de Park Geun-hye, le rassemblement de mesures urgentes du Conseil de l'Église chrétienne et le secte bouddhique Choge ont demandé le 9 à la tribune constitutionnelle de rendre le jugement pour le peuple.